Le jeudi 19 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. La Ville de Québec reçoit 1,2 million de dollars pour poursuivre le développement de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Le gouvernement provincial va lui verser cette somme pour décontaminer un terrain actuellement non développé dans ce secteur du quartier Limoilou. L'annonce a été faite en présence du ministre responsable de la capitale nationale, François Blais, et du maire de Québec, Régis Labeaume. La Ville entend aménager cet endroit avec un complexe immobilier. L'écoquartier compte déjà 3 immeubles en construction, dont un est habité depuis l'été dernier. Le projet vise à offrir une large gamme de services à distance de marche et à favoriser la mixité sociale. Françoise David quitte la vie politique. La députée et porte-parole de Québec solidaire en a fait l'annonce dans sa circonscription de la région de Montréal. La politicienne de 69 ans avait amorcé une réflexion sur son avenir au printemps dernier, mais contrairement à ce qu'elle avait laissé entendre, elle quitte immédiatement ses fonctions de députée de Gouin et elle ne terminera pas son mandat. Françoise David a expliqué ce matin que le stress et la charge de travail avaient fini par atteindre sa santé. Cette décision prend effet aujourd'hui même. Je ne réclamerai pas l'allocation de transition. Je prends ma retraite. Il est certain que ma décision de quitter dès maintenant va surprendre. C'est simple, je n'en ai plus la force. L'automne dernier, j'ai dû accepter l'inévitable. Ma santé était carrément moins bonne. Ma capacité à rester au-delà de janvier 2017 fortement compromise. Soulignons que Mme David a participé à la fondation de Québec solidaire en 2006. L'une de ses principales réalisations est l'adoption l'été dernier de son projet de loi sur les droits des personnes aînées locataires. Enfin, bonne nouvelle pour les travailleurs qui sont au salaire minimum à compter du 1er mai. Celui-ci augmentera de 50 cents, passant de 10,75 $ à 11,25 $. C'est la plus importante hausse du salaire minimum depuis 2010. Le gouvernement entend poursuivre sur cette lancée les prochaines années pour qu'en 2020, le salaire minimum atteigne 50% du salaire moyen des Québécois, sachant que ce ratio est à 47% présentement. Cela dit, la ministre du Travail, Dominique Vien, semble avoir renoncé au salaire à 15 $ de l'heure qui est réclamé par plusieurs groupes et syndicats. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement nuageux aujourd'hui à Québec. Il y a des vents qui soufflent à 20 km/h. On attend cet après-midi un maximum de 0 degré. Demain, vendredi, des conditions similaires et un maximum de moins 2 degrés. Pour la fin de semaine, samedi, 1 degré, 30% de possibilité d'averse de pluie ou de neige. Du soleil dimanche avec 0 degré au mercure. Présentement à Québec, il fait moins 3 degrés.